Chapitre quatrième, où la fée Aurore dérobe la pantoufle de Cendrillon. Cette véridique histoire se passait au temps où mourut Cendrillon. La pauvre Cendrillon que nous avons tous connue, chantant de l'âtre comme un grillon moqueur, elle venait de mourir, si vieille, si vieille, si vieille, que nul au monde ne se rappelait l'avoir vue dans son beau temps. La nuit de sa mort, on vit glisser une ombre autour de son alcôve. C'était la fée Aurore, une bonne fée, qui protège les jeunes filles aux pieds mignons. Grande rumeur dans le palais. Tout le monde fut saisi d'effroi. On ne trouva pas âme qui vive pour veiller devant le lit funèbre. Or, pendant que toute la peuplade de valets, elle était trop vieille pour avoir encore des seigneurs pour courtisans, se raconte avec épouvante que Cendrillon, qui avait eu une fée à son berceau, était visité par un fantôme à son lit de mort, la fée Aurore ouvrit une vieille chiffonnière de bois d'ébène avec incrustation en argent ciselé. Pourquoi ouvrait-elle cette vieille chiffonnière, la fée Aurore? Pour dérober la pantoufle de Cendrillon, cette célèbre pantoufle de verre que dans ses apothéoses, Cendrillon avait changée en pantoufle de velours bleu brodé d'or, de perles et de diamants. Que voulait-elle faire de cette pantoufle, la fée Aurore? Elle voulait que quiconque pût la chausser eût, entre autres dons, celui d'aller partout, fût-ce en Chine, fût-ce au Pérou, fût-ce dans la Lune, sans avoir les ennuis du voyage, et en moins de temps que je n'en mets pour vous dire cela. Quand vint le matin, la fée Aurore s'en alla, habillée en paysanne, narguer la reine qui était en promenade, en lui offrant la pantoufle. C'était la reine au grand pied. Elle ne parvint jamais à chausser la pantoufle. Aussi, toute pourpre de colère, la reine condamna son premier ministre à mettre les bottes du chaboté. Elle le condamna en outre à se hasarder un combat singulier où il perdit une de ses oreilles.